Conférence qui mettra au défi ses conventions. Dans un discours politiquement incorrect, Jean Nadeau et Jean-Marc Chaput vous inviteront, sans détour, à aller plus loin maintenant. Tous les détails sur jeannadeau.net. La 25e édition des Rendez-vous Estrades du 8 au 12 octobre dans le quartier Petit-Champlain. Plus de 50 artistes porteurs de traditions, dont Michel Faubert, Bottine 82, Rêve du Diable, Manigance, Les Bretons Gaël Lefebvre et Nicolas Kemner et bien d'autres. 5 jours de musique, de chansons, de danse et d'ateliers avec une grande soirée de retrouvailles et des lancements d'albums. Toute la programmation sur estrade.qc.ca. Un festival qui vous fera découvrir les aspects contemporains et actuels des musiques traditionnelles d'ici et d'ailleurs. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté, à la mise en onde, et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Alors, on a encore plusieurs, quelques nouveautés, plein de bonne musique rock progressive pour vous ce soir, et plusieurs coups de cœur pour moi là, de cette semaine et des deux dernières semaines, dont une découverte que j'ai faite hier soir au spectacle de Three Friends. En première partie, il y avait Mullet, qui est un groupe britannique. C'est quatre musiciens, donc il y a un batteur qui fait des vocales et trois musiciennes chanteuses. Donc une guitariste, une qui joue de la contrebasse électrique et une qui jouait du basson et également un genre de luth. Électrifié, bien sûr. Et donc, je pense que tout le monde, après la première partie, a dit waouh, c'était donc, mais bon, ça a été une découverte pour la majorité des gens de Québec, là, Mullet. On aura donc ce soir, pour débuter l'émission, une pièce de leur plus récent album. Ils travaillent sur un autre. C'est leur quatrième album, en fait, celui-là, leur plus récent, Constellations, paru l'an dernier. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. La pièce qui va jouer, c'est une pièce avec une collaboration d'un musicien des années 70, Arthur Brown. C'est la pièce Lady Vengeance, donc de Mullet. Il y a également un coup de cœur. C'est un album que je m'étais procuré quand ça a sorti. Je l'avais écouté quelques fois. Steve Hackett, le plus récent. Je l'avais trouvé un peu... Oui, je l'avais aimé, mais je l'avais trouvé un peu mollo, si on veut. Mais finalement, là, je me suis mis à l'écouter comme il faut. Puis c'est vraiment un coup de cœur. Wolf Light, son plus récent album. Steve Hackett, c'est un vieux routier. Hein. En plus d'avoir fait une carrière avec Genesis, il a fait 24 albums solo, plus 14 en spectacle. Et ben, ça roule encore, son affaire. Mais quand il fait des compositions, là, c'est vraiment excellent. Cet album-là, il est très symphonique, très cinématique. La pièce Courage and Fire, j'ai choisi pour vous ce soir. Et également un autre album qui a tourné plusieurs fois cette semaine chez moi. Donc, District 97, un groupe de... Ils viennent de Chicago. Ils ont joué, ce groupe-là, l'an dernier avec John Wetton de King Crimson. Ils ont enregistré un album qui s'appelle One More Red Night, où évidemment ben, ils interprètent le répertoire de King Crimson, de Larksong and Aspic, Stardust and Bible Black et Red, avec ce chanteur. Donc c'est des bons musiciens, il y a des références un peu à King Crimson par endroit, mais c'est très original. Leur troisième album, donc In Vaults de District 97, paru cette année, c'est paru à fin juin. On aura la pièce Blinding Lights, mais tout d'abord Mullets. You meddle in places. He was drunk with power. We're Thank you. Thank you. la pièce Blinding Visions du groupe District 97. C'est un groupe de Chicago tiré de leur plus récent album In Vaults. Ça vient de paraître là, à la fin du mois de juin. Alors j'ai découvert ça dans les deux dernières semaines. En fait, j'ai écouté plusieurs fois en boucle et j'ai beaucoup aimé. La même chose pour l'album qui a joué juste avant, Steve Hackett, son plus récent album paru cette année, Wolf Light, la pièce Courage and Fire. Et le tout avait débuté avec Moulettes, c'est un groupe que j'ai découvert hier soir en première partie de Three Friends, avec la pièce Lady Vengeance tirée de leur plus récent album Constellations, paru l'an dernier. Un groupe du Royaume-Uni. Et on va poursuivre après ces quelques messages, évidemment en musique, mais je vous parle de quelques spectacles qui s'en viennent le 17 octobre. Hommage à Peter Gabriel à l'Impérial, Big Time, une période qui va couvrir toute la carrière de Gabriel. Un spectacle qui couvre toute la carrière de Gabriel. Et en revenant, on a Piezo qui faisait le lancement de leur plus récent album Nova cette semaine au Petit Champlain. Donc on va débuter avec ça au retour. Ils ont donné donc un spectacle au Petit Champlain avec The Asylum Factory, qui est un groupe à surveiller, des jeunes avec plusieurs musiciens sur scène. Il y a Flying Joe le 6 octobre, donc mardi cette semaine, au Cécile et Ramon. Ça c'est plus dans le style blues rock. Saga à l'Impérial le 23 octobre avec Inner Odyssey. Et Mystery le 29 octobre, donc on va en avoir une pièce de Mystery aussi tantôt. Ça va être au Centre d'art La Chapelle qui vont nous présenter leur plus récent album, d'ailleurs les pièces de Delusion. Alors on y va en pause et au retour c'est Piezo tiré de Nova. Alors on y va en pause et avec Piezo, puis on vous revient avec un micro. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Le plein air, la foule sont parfois de rudes adversaires pour le micro. C'est KRL 89.1. It's a hard world to get a break in. All the good things have been taken. But girl, there are ways to make certain things pay. Québec. Les voix, les sons seront plus éloquents que le plus pertinent des discours. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix aux émissions nocturnes. Errance rénaldienne les jeudis à minuit avec Rénal Gagné, l'autoroute les samedis minuit avec Stéphane Villeneuve, Vincent Delille et Jacques Dulac, et Nuit tard les dimanches minuit avec James Temple. All our friends, the body aches. Will you confess? Strings are played above our soul, and we must not show that we are. Time. Le groupe de Québec Piezo, tiré de leur plus récent album Nova, et c'était la pièce The World Without Us. C'est enregistré dans les studios de le fils de Denis Barry, Antoine. C'est un bon album, franchement. Là, j'ai commencé à l'écouter. Là, j'ai pas beaucoup d'écoute encore, mais c'est du bon. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs ambiances. Donc, dans Piezo. On va poursuivre en musique avec un autre groupe québécois, Néodym, un groupe de Montréal, paru cette année également. On a pu se le procurer lors du festival Terra Incognita. Et c'est la signature du temps, leur plus récent album, donc Effet Domino, la pièce qu'on écoutera. Et également le groupe américain, ils sont de la Floride, Kinetic Element, et leur second album, Travelogue, et la pièce Her. On est moi tout de suite en musique, donc Néodym et Kinetic Element. Thank you.

cost. The choice to arrive. Wayward men before were lost. Searching from behind, beware. Mountain seas that have no cost. What's right by the red house there? I to be free, seeking escape from her. From her. Kinetic Element, tiré de leur plus récent album, Travelogue, la pièce Her. Et alors, ça, c'est ce qui... c'est il y a pas mal de bon matériel, là, quand même en 2015. Là, c'est pas une grosse année, peut-être, mais quand on se met à écouter les parutions, là, souvent, on se rend compte que on les a pas encore assez écoutées, puis ça sera le cas, d'ailleurs, pour ce qui suivra. Chichada, le Finest of Miracles, leur plus récent album, un groupe de la Grèce, et on aura la très belle pièce Eternal de ça, et également, après la pause, on aura Introitus. Bruno en a fait jouer une pièce de l'album précédent, la semaine dernière, là, dans son show musical, Introitus, il y a un nouvel album. Je le savais pas, en fait, même si c'est paru en 2014. Anima, c'est leur troisième disque. C'est la famille Bender, c'est le père, la femme, les enfants qui jouent dans ça. C'est un album qui est assez néo, je dirais, un peu moins rock sombre que le précédent. Que je préférais, je crois. En fait, on aura une pièce quand même de cet album, la pièce Free de Introitus au retour de la pause. Également, on aura deux groupes des années 70 qui avaient fait paraître seulement un album en 73. Deux groupes italiens qui sont ils ont fait un retour après 40 ans avec un second disque, Cherry Five et également Biglietto per l'Inferno. Alors on aura ça tantôt dans l'émission. On y va avec une petite pause et au retour, comme je disais, Introitus et Tichada et Cherry Five. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. CKRL 89.1. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix à la musique rock, progressive et métal. Démentiellement vôtre les vendredis 22h avec Olivier Saint-Engaï-Bercelli, Illusion auditive les samedis avec Vincent Delisle et Jacques Dulac, et Terra Incognita les samedis 22h avec Marc Chonnet, Michel Bilodeau, Bruno Côté et Jean-François Lamarre. We'll be right back. Remember just before the

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. CKRL 89.1. Ici Tania Beaumont. Notre rendez-vous du mercredi a maintenant un nouveau nom, Jamais comme tout le monde. De 17h30 à 19h30, toujours en direct du bar Le Sacrilège, on fait revivre le perron de l'église avec des discussions d'actualité, on reçoit des artistes en entrevue et prestations, nos collaborateurs proposent des découvertes culturelles, on offre des prix de présence et on lève notre verre à la bonne nouvelle de la semaine. Parce qu'à CKRL et au Sacrilège, on ne fait jamais rien comme tout le monde. De retour avec Bruno et Marc, ça c'était un beau bloc musical, j'espère que vous avez apprécié. Ce qui a joué juste avant la pause, c'était PFM, tiré de leur album Stati di Immaginazione, paru en 2006 et réédité récemment. La Terra dell'Acqua était la pièce, c'est un album instrumental. D'ailleurs, PFM sera au Palais Montcalm à Québec le 21 novembre. Il n'y aura pas de pièce de cet album-là. Là. Ça va être vraiment juste des hits de PFM. Tout le meilleur de PFM. Donc, au Palais Montcalm, à ne pas manquer le 21 novembre. Également, on aura la chance de voir King Crimson. Parlant de King Crimson, il a été en lien avec King Crimson. Tony Levin, cette semaine, annonçait sur son site qu'il va avoir un spectacle du Stickman au mois d'avril à Québec, le 28 avril. La place n'est pas annoncée encore, mais ça va se confirmer. Là. Ça, on va pouvoir voir Stickman. On est toujours... content d'avoir Tony Levin en nos murs à Québec. Alors, juste avant, il y avait eu Cherry Five, donc un retour après 40 ans. Ils avaient fait un album unique là, en 1975, voilà, c'est ça. Et celui-là ça s'intitule Il Pozzo dei Giganti. Et c'est vraiment dans la tradition du rock progressif italien des années 70. Un retour comme s'ils n'étaient jamais partis, dans le fond, même si ça fait 40 ans. Et c'était donc la pièce Dentro la Cerchia Antica de Cherry Five. Et il y avait eu Introitus. Cicciada et Intritus, voilà. Parlant de vieux groupes, Biglietto de Per l'Inferno également avait fait paraître un album éponyme en 1974. Et puis après, ils ont fait quelques autres disques qui n'ont pas été connus, mais c'est comme un des groupes italiens qui avait un album unique. Et donc, ils ont un retour cette année avec l'album Vivi Lota Pensa. Et on aura la pièce La Canzone del Padre. Donc, ça débutera juste après mon micro. Et ensuite, une pièce de Mystery qui viennent donc nous visiter le 29 là, octobre, dans quelques semaines, au Centre d'art La Chapelle. On ira avec la pièce Pride. On y va tout de suite donc avec... Ça va faire tout un mix hein, entre l'italien puis le Mystery. Attendez de voir ça. We'll be right back. bagno scaldato. Come si vive non me l'hanno insegnato. No. Ricordo mio padre. Sì, sentivo ingannato. Aveva paura che io fossi bocciato. Poi mi picchiava e gridava ubriaco. Vorrei che tutto non fosse mai nato. Questa sua frase ci si ritrova come sempre da soli, con la gente che pensa, con la gente che crede, con la gente che guarda, ma la gente non vede tutto quello che qui veramente succede. Se ti guardi attorno trovi schifo e paura. Help you could win, I could reign. I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain. I will never be the same without you, without you, without you, without you. Sur 24, 7 jours sur 7. Aérotaxi 450-651-6555. TaxiCabAero.com. Le dépanneur Nobert est le point de vente le plus chaud pour vos cartes de Bingo Radio. Nous sommes très heureux de vous offrir vos cartes de Bingo Radio du FM 103.3 au prix de 8,50 $ chacune, vous permettant ainsi de gagner entre 3 000 et 5 000 $ chaque samedi. Le Bingo Radio se joue dans le confort de votre foyer. Profitez d'ailleurs de la livraison du dépanneur Nobert pour tout ce dont vous avez besoin et même pour vos cartes de Bingo Radio. Appelez le dépanneur Nobert à Longueuil au 450-646-9467. De Fabrique ton hit. Vous suivez l'aventure Fabrique ton hit sur la page Facebook. Ben, je vous invite également à voter pour votre candidat préféré via la messagerie texte au 438-500-1033. Et pour tout savoir sur l'aventure, ben, soyez à l'écoute en semaine dès 18h. C'est un rendez-vous. Fabrique ton hit! FM 103.3. La radio allumée. Yeah, yeah.